rêve à l'aube pour écrire l'air est estival. Quelques mesures plus tard, un couplet inestimable. Le droit chemin, je te le montre comme une festina. La crème du 91, et maintenant qu'est-ce qu'il y a? Je me rabine, coup de carabine. Mimoujahidine alias Criminal King. La crème du 9, hein, vive le crime, c'est mon nid, mon refrain. Refrain, je mets sa chaîne, si c'était à faire, je le referais. Je suis venu pour tout péter. Avec FK Din Ren pour tout baiser. Tu peux pas tester, tu peux que détester. En toute modestie, je viens t'enculer. Tu marches à reculons, je vends trop de kilos. J'ai trop de culot, trop de cils, trop de faux quand je sors mon stylo. Tu mates mon pote, s'il a le capone, armé d'un col, t'es de capote. Que toutes tes buts sous ta quatre pattes. Ténébreuse mafia, ténébreuse mifa, quoi, on te baise mille fois. Je vis dans le méfait, en effet. Ma bite t'es frais, te glace, t'es froid, mon rap est frais, te casse les doigts. Si, tu vas nous sucer, sale tantouse. C'est la crème du 91, on crache du lait d'amande douce. Notre rap est véridique, des fris à Bretigny. On a de l'élixir, les fois on élimine. Tu vas nous sucer, sale tantouse. C'est la crème du 91, on crache du lait d'amande douce. Notre rap est véridique, des fris à Bretigny. On a de l'élixir, les fois on élimine. Je suis assis sur la sellette, la C des tracines. Entre poids c'est la cine, dépourvu très sénette. La vie est assez laide, le compte est rassé. Plus de force pour fermer la C, l'avenir paraît plus assez net. Je masse mes mecs, j'ai la carrure et nos pas fashion. J'ai la parure de la rue, faut pas que je me reste jeune. Je me présente en quelques lignes, c'est des IN. Ça Afrique à part le sang, donc pour eux j'ai la DN sale. Aïe, c'est du monsieur qui vient du rive, donc rêve de l'oseille. J'ai des mots sous les griffes, j'ai grave la dalle. Appelle-moi MC Voraz. Même si on est en dalle, on va tous niquer vos races. Hey, on n'est pas là pour papoter, poto. Les coups sont lourds, j'suis pas venu pour tapoter. Donc, la crème du 9-1, tu vas venir le TH. C'est la ligue des champions, arrache ta gueule en PH. Si, tu vas nous sucer, sale tantouse. C'est la crème du 91, on crache du lait d'amande douce. Notre rap est véridique, des fris à Bretigny. On a de l'élixir, les fois on élimine. Tu vas nous sucer, sale tantouse. C'est la crème du 91, on crache du lait d'amande douce. Notre rap est véridique, des fris à Bretigny. On a de l'élixir, les fonds on élimine. Y'a les frères qui font la salade, y'a les frères qui fument la salade. Y'a FK plus de classe, de la Légion qui passe le salade. Al Capote sans salam, tranche, chante de l'unité de feu. On fait pas du rap pour éviter fleuri, ne sois pas mort de riz. Comme toi j'ai la dalle, le rap mon premier bol de riz. Je suis sanguinaire comme dans une porcherie. Du 9-1 originaire, MC sorti de l'ordinaire depuis que j'ai fait Paris. Mon hymne à la capitale, ma parisienne, île habitable. Mon équipe, fuck l'arbitrage, t'inquiète, le niveau sonore pète le double vitrage. Le rap est mort, mais je touche l'héritage. Encore un nouveau son mordi, inéluctable. La crème du 9-1 est inévitable. Et là, le refrain glisse dans tes parties génitales. Si, si, tu vas nous sucer, sale tantouse. C'est la crème du 91, on crache du lait d'amande douce. Notre rap est véridique, des fris à Bretigny. On a de l'élixir, les fonds on élimine. Tu vas nous sucer, sale tantous. Sous la belle étoile, t'auras pas le temps d'admirer la grande ours. ALKPOTE, FK, Dinren, Mimoun King. On roulera en limousine suceuse. C'est la crème du 91. Hey, écoute, écoute, poteau. De l'élixir au goutte à goutte. Avec la rue au coude à coude. Aïe, 91. Putain de bombe artisanale. Avant l'album t'as déjà mal.